بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence إن شاء الله تعالى donc ce cours dans l'explication de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. On est arrivé à la parole de l'auteur rahimahullah. باب لا يرد من سأل بالله. Le chapitre, on ne refuse pas à celui qui demande par Allah. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود بسند والنسائي بسند صحيح. Et donc d'après Ibn Umar رضي الله عنهما que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui vous demande par Allah, alors donnez-lui. Et celui qui implore la protection d'Allah en vous demandant de l'aide, alors donnez-lui. Et celui qui vous invite, répondez alors à son invitation. Et celui qui vous rend un service, qui fait pour vous quelque chose de bien, alors rendez-lui de manière semblable. فَإِلْ لَمْ تَجِدُوا. Et si vous ne trouvez pas de quoi lui rendre l'appareil, alors invoquez pour lui jusqu'à ce que vous voyez que vous lui avez rendu l'appareil. Rapporté par Abu Daoud ainsi que Nasa'i avec une bonne chaîne de transmission. Et donc, premièrement, le lien qu'il y a entre ce chapitre et le livre, le fait, la glorification et le fait de vénérer Allah tabaraka wa ta'ala, lui accorder un profond respect, à tel point que lorsque quelqu'un nous demande quelque chose par Allah, alors nous devons lui donner. Bien entendu, barakallahu fikum, cela est lié à la capacité. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui te demande quelque chose par Allah, prête-moi telle chose, par Allah, fais telle chose pour moi, rends-moi tel service. Si vous avez la capacité de le faire, et si le fait de le faire ou de donner cette chose ne vous fait pas de mal, ou ne vous prive pas d'une obligation que vous avez vis-à-vis de votre famille ou autre, alors oui, vous devez répondre de manière favorable. Les savants ont fait exception de celui qui a pris cela comme métier. C'est-à-dire, celui qui vient tous les jours, il demande aux gens, je te demande par Allah, donne-moi de l'argent, je te demande par Allah, je te demande par Allah, je te demande par Allah. Et lui, il a pris cela comme métier. Son métier est de demander aux gens. Et donc, à partir de là, barakallahu fikoum, les savants nous disent, il y a donc, ça c'est une exception. Mais sinon la base, c'est que lorsqu'un musulman vient te voir, il te demande par Allah, tu dois lui donner. Bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu en as la capacité, et si cela ne va pas te faire de tort quant à tes obligations vis-à-vis de ta famille. Et aussi, les savants ont cité comme condition le fait que cette personne-là est désignée. Elle est désignée une personne. Exemple. On sort de la mosquée. À leur sortie de la mosquée, il y a une personne qui est debout, qui dit « Par Allah, donnez-moi. Par Allah, donnez-moi. » Elle n'a pas désigné. Elle n'a désigné personne. Et donc, à partir de là, personne n'a l'obligation de donner. Maintenant, si la personne, par Allah, Issa, donne-moi. Par Allah Isa, prête-moi. Par Allah Isa, rends-moi tel service. Là, Isa a été signé de manière distincte. S'il a la capacité de donner ou de faire, d'accomplir ce service, ou de rendre ce service, sans que cela ne lui fasse de mal, et sans que cela donc ne l'empêche de faire ses obligations vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, alors là, il doit répondre de manière favorable. Et aussi, dans ce hadith, la personne qui vous demande de l'aide, et qui implore la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala contre le mal de quelqu'un. A'udhu billahi min shar. Et donc je demande la protection d'Allah contre le mal d'un tel. Oh, un tel, aide-moi. Alors là aussi, encore une fois, il est obligatoire d'aider cette personne. Encore une fois, c'est lié à la capacité. On a aussi dans ce hadith l'obligation de répondre à l'invitation. Quelqu'un vient t'inviter, tu as l'obligation de répondre à l'invitation. Les savants ont divergé. Est-ce que cette obligation, elle concerne seulement la walima, celui qui s'est marié et qui t'invite à sa walima, hein? Est-ce qu'il t'est obligatoire d'y aller? Mais par contre, s'il t'invite pour un autre repas, alors là, c'est pas obligatoire. Certains savants voient que c'est spécifique à la walima. Et c'est un avis qui est répandu. Et d'autres savants voient que non. C'est général. Et c'est d'ailleurs le choix du très savant Ubayd al-Jabiri, rahimahullah, qui voit que cela est général et que les textes même qui ont été cités en cela sont généraux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit concernant les droits du musulman sur les musulmans. Les droits du musulman sur le musulman, il les cite. Et parmi les droits du musulman, il a cité ijabatu da'i, le fait de répondre à celui qui invite. Et donc là, il n'y a pas de... Et donc là, c'est général encore. Ça peut être n'importe quelle invitation. Les savants, ils nous disent, avec bien entendu certaines conditions. Première condition, c'est que cette invitation ne contienne pas d'éléments illicites. Hein? Comme on t'invite à venir manger, mais la viande, elle n'est pas halal. Alors là, tu peux très bien refuser. On t'invite à venir manger, mais il y a de la musique. Tu refuses. On t'invite à venir manger, mais il y a de la mixité, les hommes et les femmes ensemble, etc. Tu refuses l'invitation. On t'invite à venir manger, mais il y a de l'alcool sur la table. Tu refuses l'invitation, bien entendu. Etc., etc., etc. Donc tant qu'il y a quelque chose d'interdit, on ne peut pas te faire le reproche d'avoir refusé l'invitation. Les savants citent aussi parmi les conditions si cette invitation, le fait de répondre à cette invitation va causer un mal. Comme par exemple le fait que ça tarde et que au final tu n'arrives pas à te réveiller pour Fajr ou ça t'empêche de faire tes obligations. Hein? Quelqu'un qui par exemple, un étudiant qui est dans ses études, qui a des obligations, qui a beaucoup de travail et que on l'invite et donc il regarde est-ce que cela va l'empêcher de faire ses obligations ou pas, ou alors un médecin ou autre, en fonction de chacun regarde par rapport à ses obligations, ou alors une personne qui est mariée et que donc sa femme lui avait demandé quelque chose ou ses enfants lui avaient demandé quelque chose, s'il avait déjà un engagement ailleurs, bien entendu à ce moment-là on ne peut pas lui reprocher d'avoir refusé l'invitation. Mais la base, c'est l'obligation. Quelqu'un qui t'invite, donc tu dois répondre à l'invitation. Ensuite, dans ce hadith, il y a le fait que quelqu'un te rende un service. Si quelqu'un te rend un service, et donc comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait kafi ou, alors, donc, rendez-lui ce service qu'il vous a rendu, rendez-lui par donc de manière semblable. Et ça, c'est important, ça fait partie des bonnes mœurs en islam. Ça fait partie des bonnes mœurs en islam. Sauf que lorsque tu vois que tu ne peux pas rendre à cela, tu ne peux pas rendre à cette personne, alors à ce moment, il n'y a pas de mal, justement, tu appliques la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu invoques pour la personne. Tu invoques pour la personne, jazakallahu khairan, wa barakallahu fik, etc., etc. Et tu n'es pas obligé d'invoquer pendant que la personne est devant toi. Tu peux invoquer lorsque la personne est absente. Tayyib, ensuite l'auteur qui nous dit, rahimahullah, babu la yus'alu bi wajhillahi illa al-jannah. Le chapitre, on ne demande pas la face d'Allah que le paradis. Allahu Akbar. On ne demande par la face d'Allah que le paradis. An Jabir radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yus'alu bi wajhi Allah illa al-jannah. Rawahu Abu Daoud. Et donc d'après Jabir radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne demande par la face d'Allah que le paradis, rapporté par Abu Daoud. Et donc, premièrement, chose qu'il faut savoir, barakallahu fikoum les frères, c'est que ce hadith, il a été jugé faible par certains des gens de science, par beaucoup des gens de science d'ailleurs. Parmi eux, il y a Sheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, qui juge que ce hadith est faible, notamment parce qu'il y a dans la chaîne de transmission un narrateur dont il y a une grosse divergence à son sujet, est-ce qu'il est fiable ou pas. Et beaucoup de savants voient que celui-ci n'est pas fiable. Ensuite, le deuxième point, c'est concernant la face d'Allah. Ahlus sunnati wal jama'a. Les gens de la sunna et du groupe vont affirmer la face d'Allah, le visage d'Allah, parmi les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils ne vont pas, et ils vont rejeter le fait de prétendre qu'Allah ressemble à ses créatures. Il dit tabaraka wa ta'ala, laysa kamithlihi shay. Laysa kamithlihi shay, rien ne lui est semblable. Et donc lorsque nous affirmons les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, cela ne veut pas dire qu'on prétend qu'Allah ressemble à ses créatures. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, kullu shay'in halikun illa wajha. Toute chose est menée à périr, toute chose va périr, sauf sa face, son visage. Tabaraka wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Et aussi l'invocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentre dans la mosquée. Lorsqu'il rentre dans la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « A'udhu billahi al-azim, wabi wajhihi al-karim, wabi wajhihi al-karim, et par son noble visage, wabi sultanihi al-qadim, min ash-shaytani ar-rajim. » Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé dans cette invocation le visage d'Allah, le noble visage d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc ça, c'est un sujet d'unanimité chez les gens de la sunna. Ils ne rejettent pas les textes. Par contre, les innovateurs, tels que Al-Ash'ari, Al-Mu'tazila, Al-Tabliriya et d'autres, rejettent les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'on va se trouver chez beaucoup de tablir, pas tous, attention, je le dis, pas tous. Il faut être honnête, mais on va se trouver chez beaucoup de tablir le fait de rejeter cet attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils vont l'interpréter et vont dire, ce qui est voulu ici, c'est la récompense d'Allah. La récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc le visage d'Allah, c'est la récompense d'Allah. Ou alors, encore une fois, donc ils essaient toujours, ils vont chercher à trouver d'autres sens pour rejeter le sens qui est cité dans le Coran. Pourtant, il n'y a aucun hadith, aucune parole des compagnons, rien du tout, qui montre que le visage d'Allah dans le Coran n'est pas le visage d'Allah. Ou alors ils vont nous dire, ce qui est voulu ici, c'est son être, son essence. Son être, son essence. Et donc, c'est comme si on a Issa, On va encore prendre l'exemple de Issa. Ou alors on va prendre l'exemple de quelqu'un d'autre. On va changer, on va pas embêter que Issa ce soir. On va prendre l'exemple donc de Suleyman. Suleyman, il va voir le docteur. Il dit au docteur, « Oh docteur, j'ai mal au visage. » Le docteur lui dit, « Bon alors, ben, montrez-moi où vous avez mal. » Il montre au docteur sa main. Le docteur lui dit, « Mais vous m'avez dit le visage. » Il dit, « Oui, mais le visage, c'est-à-dire mon être, c'est le visage, c'est tout mon corps, j'ai mal à mon corps. » Vous m'avez demandé de vous montrer où, et donc j'ai précisé, c'est la main. Le docteur ne va jamais accepter ça. Personne ne va accepter. Le visage, ça veut dire tout l'être. Non, le visage, c'est le visage. La main, c'est la main. Et donc, barakallahu fikoum, il est important de comprendre la croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'a, ça fait partie du tawhid. Le fait d'affirmer les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Taïb, ce hadith, malgré le fait que la chaîne de transmission soit faible, les savants, ils ont cité, il y a beaucoup de savants qui ont cité que il y a d'autres hadiths qui vont dans le même sens. Et donc, on ne demande par le visage d'Allah que le paradis. Pourquoi ? Parce que par le visage d'Allah, tabaraka wa ta'ala, on ne demande pas les choses mondaines. Une femme, oh Allah, accorde-moi une femme. Ça, tu peux demander à Allah, azza wa jal. Mais pas en invoquant par le visage d'Allah. Ou alors tu ne demandes pas à une personne, « Oh, un tel, je te demande par le visage d'Allah de me donner tel et de me rendre tel et tel service. » Ça, c'est interdit. Ce que tu dois demander par le visage d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est le paradis. Oh, « Ya Allah, es'aluka bi wajhik, je te demande par ton visage de m'accorder le paradis. » La plus grande récompense, barakallahu fikoum. Taïb, nous on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, de nous accorder à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.